بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى كتاب وسنة فيهما النجاة، وسنة فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. على plaisir de vous présenter. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. شيخ سعد الآن يتمنى أن لا في غزة بر المؤمن، أما الكافر أبدا. والله il est في ضيق وفي ضنك. Celui qui s'écarte du dhikr, et de l'iman, de tawhid, de l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il a montré automatiquement il aura une vie de dhiq et de ta'ab. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نبدأ إن شاء الله تعالى في هذا اليوم قراءة هذه الرسالة المفيدة النافعة، الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. Comment أو les moyens bénéfiques للحياة السعيدة pour avoir une vie heureuse. للإمام الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه. طهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نمبر 5. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمة الله عليه فصل. قال ومن أكبر الأسباب لانشراح الصدر وطمأنينته، الانشراح معروف كما قال عز وجل ألم نشرح لك صدرك، أي تنضيق ثم يأتي الانشراح، والطمأنينة معروفة كذلك لا تخنكيليتي. والصدر المراد هنا نعم لكوع la poitrine à el qalb. Tanviq, c'est dans le cœur. Thomas, si ton cœur il est apaisé, tout c'est lié avec le cœur. Lakin il appelle al-sadr ma'rouf. Le cœur il est fait sadr. Hada l'inshirah wa hadi al-tuma'nina ala des asbab. Et on en a vu plusieurs, al-tawakkul, al-tawhid. Et le cinquième qui cite huna qal al-ikthar min dhikrillah. فهذا من أعظم الأسباب كما قال ومن أكبر الأسباب الذكر. قال فإن لذلك تأثيرا عجيبا في انشراح الصدر وطمأنينته وزوال همه وغمه. تستفيد أخي الكريم quand t'as un problème, un ضيق, مشكلة، تكثر من ذكر الله. لماذا؟ لأن الذكر ça va te faire oublier cette chose mondaine من الدنيا. Rubbama un problème d'argent, rubbama un problème de couple, rubbama un problème de santé, rubbama. Hada dhikr al-Khaliq azza wa jal, ça te fait oublier cette chose de dunya. Et tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est akbar, il est a'zam, c'est al-Khaliq. Mahma ce makhlouq da'if, ou cette chose de dunya qui te fait du mal, tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est al-Khaliq. Et tu sais que tu retourneras à Allah et tu auras des comptes à rendre. Et Inch'Allah, si tu rentres dans le Jannah, ce dhikr, ce rappel, bi'idnillah, yukhaffif alayk. Ma balouk, celui qui délaisse le dhikr, Allah, Azza wa Jal, et il se préoccupe. Daiman, il essaie de trouver des solutions. Solutions, en fait, il faut essayer de trouver. Lakin al-ikthar, et tourner en rond, et se faire du mal, hada, Allah, la yaziduka illa ta'ban, wa dhaiqan, wa mashaqqa. La personne, il donne du temps, il a un problème, il trouve la solution. Lakin, on revient au asr, at-tawakkul ala Allah et dhikr. Wa man yattaqi Allah yaj'al lahu makhraja. Alors, بعض الناس, احيانا il y a un problème qui ne le regarde pas lui. Prends l'exemple des awam avec le hukam. Des problèmes, personne ne l'écoute. Yatakallam. Il essaie de trouver des solutions. Des solutions, des problèmes qui sont au niveau national, ou probablement au niveau international. Personne ne l'écoute. Ils sont dans la rue, ils sont deux, et ils essayent de trouver des solutions, ils ne font que du mal. Personne ne les écoute. Et à la fin, probablement ça finit, yat'an fil hakim. Il sort de la cise avec aqidat al-khawarij wal ayyadu billah. Mithl hadha, il aurait fait du dhikr. Il aurait fait du'a. S'il peut conseiller, conseille. Lakin, il y a des choses, tu ne peux pas, fil haqiqa. Des choses, la personne, elle est loin. Ou c'est des choses qui ne te regardent pas, personne ne t'écoute. Fil haqiqa, fais du dhikr. T'es ma'jour. Et incha'Allah, ton cœur, il est préservé. Amma al-ikthar min dhikr al-mashakil. Des choses, il n'y a pas de solution pour toi. والله هذا سيد التعب قال الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب الآية واضحة tu veux être مطمئن tu veux être tranquille apaisé بإذن الله عز وجل الذكر ألا بذكر الله تطمئن القلوب قال فلذكر الله أثر عظيم في حصول هذا المطلوب لخاصيته ولما يرجوه العبد من ثوابه وأجره هذا موضوع مهم جدا الذكر والذكر كما تعلمون سن عبادة فليحذر المسلمين أو المسلمون من الابتداع في هذا الباب الابتداع لأن بعض العوام الجهال مساكين يسافن importance du dhikr et connaissent ce verset لكن احيانا ياتون باذكار محدثه الذكر معروف il y a des اذكار dans certaines choses c'est مقيد بعد الصلوات مثلا après l'wudu avant l'wudu en rentrant à la maison en rentrant au masjid en sortant معروف هذه il y a des اذكار مطلقه Tu dis Subhanallah, tu dis La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahu al-mulk, wa lahu al-hamdu, huwa ala kulli shay'in qadir, la hawla wa la quwwata illa billah, tukthir minha. Lakin at-taqyid bi zaman aw 'adad mu'ayyan en pensant qu'il y a une fadila alors que le prophète sallam il l'a pas fait, ça c'est aynul bid'ah. Na'am, ils disent matalan si tu rentres dans telle chose, tu dis 50 fois kada alors que le Nabi sallam il l'a jamais fait. Hada c'est bid'ah. Khasatan si c'est une fadila. Qui c'est qui l'a informé bi hada? La المطلق غير مطلق وأكثر منه مثلا كلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قادر أكثر منها فمأجور قوله قول كذلك سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر تسي أذكار مطلقة معروفة أما التقييد بالزمن أو عدد معين لقى النبي صلى الله عليه وسلم لا بافي أن بنسان كين فضيلة أبا هذا سعين البدع فالحذر من هذا كذلك Pour faire le dhikr, on précise, il n'y a pas besoin d'un objet, que ce soit subha, ou ce qu'ils ont inventé l'an, comme un petit compteur, hakada, ou l'an, ils ont fait même des applications dans les téléphones, tu mets ton doigt sur l'écran et tu comptes, tout ça, la hajjata là. Tout ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a jamais fait. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait le dhikr avec sa main droite. Falyuntabah, toutes ces choses, c'est des causes qui poussent à rire. Amma la main droite, c'est discret, tu fais le dhikr lillah azza wa jal. Kadalik, sans crier. Kadalik sans gêner les autres. Kadalik le dhikr, ça ne se fait pas en groupe. Abadan. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il faisait pas que les sahabas dhikr en groupe. Abadan. Il faisait dhikr chacun de leur côté. Hadith ibn Mas'ud, ou qissat ibn Mas'ud, ma'a ashab masjid bani Hanifa, elle est ma'roufa. Quand ils trouvaient des hilaq, ils étaient plusieurs, wahid, ils disaient Allahu Akbar, ils répétaient. Le Nabi ibn Mas'ud, le sahabi al-Jalil, ankar alayhim. Et ça les a poussés à faire des bid'ah. Hatta ils ont combattu Ali fil akhir, c'est devenu des khawarij. Al-hadar, al-hadar min al-bid'ah. Au début, elle est petite tumma. ربما الشخص في بعض الأحيان يفني avec المبتدع الضلال يصدمين لهمم ربما رأس من رؤوس أهل البدع الحذر الحذر النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة ومبخسد هذا لأن في الذكر يبوكت بدع بوكت بدع بعض الناس يقاجد بعض الناس يبخطند celui qui dit mille fois كذا إلى كذا alors qu'il n'y a aucun دليل ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذكر أو الأذكار المشروعة الأذكار المشروعة نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا وفي غيره أما البدعة سبا السبب لانشراح الصدر أبدا سمن الضلال الضلال سفي النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم Et celui qui veut les détails, les bienfaits du zikr, que ça soit parmi les bienfaits, c'est min asbab inshirah al-sadr. Et il y a beaucoup de bienfaits. Ibn Qayyim rahimahullah dhakara akthar min mi'ah fi kitabih al-nafi' al-wabil al-sayyib. Au début, il a cité plus de 100 fawa'id fi al-zikr. Inch'Allah, un jour, si on pourra les lire, on les a lus. Al-Sheikh Yahya hafidhahullah akthar min marra, il les a lus fi al-dars. Et nous, si on peut les résumer, yawmin al-ayyam fi kalima tayyib, on les lit hakada tayyib. Il les a cités. كثير من العلماء يستفيدون من هذا الوابل الصيب وضبع إلى ستة أكثر من 100 فائدة في الذكر رحمة الله عليه الإمام من القيم قال الشيخ سعدي رحمه الله السادس كذلك هم خصيص أن من أفضل الكتب بخكونة خلي أذكار مشروعة كتاب شيخ الإسلام لتيمية الكلم الطيب كذلك الوابل الصيب ابن القيم سلي غفرانس في هذا كذلك les petits livres qui font الآن خاصة avec تحقيقات شغل الباني تصحيحات شغل الباني الشيخ مقبل توسع طيب كذلك عمل اليوم والليلة للإمام النسائي من الأصول في هذا في الست الأذكار لكن كتاب شغل الإسلام il est simple il est résumé il cite le chapitre مثلا qu'est-ce que tu dis en rentrant en masjid il cite le hadith طيب خاصة avec تحقيق شغل الباني رحمه الله صحيح الكلم الطيب. Ça, c'est la référence. Avec Al-Wabil al-Sayyib, كذلك. قال السادس وكذلك أي السادس من أسباب انشراح الصدر أو من أسباب الحياة السعيدة الوسائل المفيدة. السيجم بوان قال وكذلك التحدث بنعمة الله الظاهرة والباطنة وأما بنعمة ربك فحدث هكذا قال جل وعلا. قال فإن معرفتها والتحدث بها يدفع الله به الهم والغم صحيح. C'est que tu te rappelles la ni'ma dans laquelle tu es. Si t'as un problème, rappelle-toi ni'ma, n'a qu'à un musulman, بعض الناس c'est des kuffars. T'as un problème, rappelle-toi que t'es en bonne santé, بعض الناس ils sont malades. T'as un problème, ihmadillah, t'es à la manhaj, واضح, qui est fondé sur l'ilm, tu connais ahl al-ilm. بعض الناس يسون في هوى وضلال وتقليد هكذا تهم تغم تان بروبلم رابل توا والحمد لله انك تان طالب علم الله يتا فاسيليتي بعض الناس يسون في الجهل تان بروبلم رابل توا كو تو في دون بي مسلم ان بارلون نو الان اون او يمن ولله الحمد النعمه بعض الناس يسون في ضياع بعض الناس يسون في بلاد الكفر يفل ايز اسبير يفون دي ايفور اي مساكين يزون دي فيبلس هذا فحمد الله أحمد الله قال وكذلك التحدث بنعم الله الظاهرة والباطنة أما بعض الناس يفكر كم mauvaise chose pourquoi j'ai pas ça pourquoi j'ai pas ça pourquoi يتعب يا أخي regarde les bons côtés قال ويحث العبد على الشكر الذي هو أرفع المراتب وعلاها حتى لو كان العبد في حالة فقر أو مرض أو غيرهما من أنواع البلايا نعم لأن tu sais que cette épreuve Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné beaucoup de choses. Il t'a éprouvé par rapport à ton iman. Ça te laisse espérer. قال فإنه إذا قابل بين نعم الله عليه التي لا يحصى لها عد ولا حساب وبين ما أصابه من مكروه لم يكن للمكروه إلى النعم نسبة. صحيح. مثلا t'a été éprouvé, t'as un problème مثلا. T'as un problème مع واحد. لا شك que ça te met en ضيق. لكن si tu penses أن الله سبحانه وتعالى أكرمك بالإسلام والسنة والشيء من العلم la bonne santé الحمد لله t'es dans un pays مسلم tout ça pour rapport à cette mushkila في الحقيقة c'est rien du tout tu dis الحمد لله بعضهم إذا été éprouvé il n'a pas de دين بعضهم il est على الضلال والجهل هذا c'est ça qui veut te montrer الآن أن n'oublie pas les ni'am n'oublie pas لابد tu sois عبد شكور أما الكفور لا يكفر نعم الله سبحانه وتعالى كالكفار الله les a créé il leur a donné il leur a montré مع tout ça يجحدون بل ينكرون بعضهم وجود الرب كفر قال بل المكروه والمصائب إذا ابتلى الله بها العبد وأدى فيها وظيفة الصبر والرضا والتسليم هانت وطأتها صحيح بل المكروه والمصائب إذا ابتلى الله بها العبد سالله يتبخوا بيت مصيبة ملادي بوفغوتي des problèmes. قال وأدى فيها وظيفة الصبر. Tous ces problèmes, تصبر والرضا C'est une martaba alia. Là, tu sais que c'est min qadar Allah azza wa jal. Fatarda bidhalik. Wa taslim, tu te soumets. لأن الله يعلم كما قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم الآيات تسا قال هانت وطأتها وخفت مؤنتها وكان تأمل العبد لأجرها وثوابها والتعبد لله بالقيام بوظيفة الصبر والرضا يدع الأشياء المرة حلوة صحيح الأشياء المرة أي دي شوز أمير tu les reçois أنت حلوة صحيح c'est un goût حلاوة الإيمان لأن tu sais il y a du أجر en jeu tu sais qu'il y a beaucoup d'أجر أنت تسبر ce أجر et avec الصبر والرضا والتسليم والإنقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى ولقدره إن شاء الله تمأجور ففي الحقيقة تقالون جدا جدا أيها الأب أما السلوي الذي يقابل هذه الأمور أي الابتلاء بالتسخط واليأس والقنوط من رحمة الله هذا يبخوف يبخوف كم توا تبوف مثلاً يبوف لكن أنت de cette épreuve بإذن الله عز وجل tu sors avec beaucoup d'ujour et la pauvreté elle s'arrêtera un jour si tu es musulman mu'min tu meurs à l'Iman إن شاء الله في الجنة il y aura pas de pauvreté إن شاء الله tu seras gagnant et l'autre la même pauvreté la même épreuve avec son ta'b il est perdant هذا la personne يفكر يفكر ويستعين بالله عز وجل قال وكان تأمل العبد لأجرها وثوابها والتعبد لله بالقيام بوظيفة الصبر والرضا يدع الأشياء المرة حلوة فتنسيه أو فتنسيه حلاوة أجرها ومرارة صبرها صحيح صحيح أن celui qui voit loin je suis éprouvé Allah m'a éprouvé أولا الله sait et moi je ne sais pas ثانيا ربما j'ai fait des péchés الله سبحانه وتعالى il veut m'éprouver avec cette chose حتى يوم القيامة il me pardonne troisièmement c'est pour m'élever en degré quatrièmement il y a une récompense cinquièmement les anbiya ils sont passés avant moi j'ai été éprouvé comme eux n'importe quelle épreuve inshallah il s'en sort et il voit qu'il est gagnant ma baluk wahad il se plaint toujours il croit qu'il est agressé, il croit qu'il est c'est une victime, il croit, c'est un tab jiddan, bal il aura un su'dhan de rabbil alamin. Et bien sûr les asbab qu'on lit, ils sont liés. Bien sûr celui qui le sixième qu'on vient de citer at-tahaddud bi ni'amillah avec at-tawakkul, avec adh-dhikr, avec la patience, avec tout ce qu'on a vu, inshallah il sera à la khair jiddan jiddan. قال السابع ومن أنفع الأشياء في هذا الموضع استعمال ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حيث قال صلى الله عليه وسلم نعم حديث في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم رواه البخاري ومسلم هنا نتجا parler الحقيقة يا حديث في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم nous a conseillé de regarder من هو أسفل منكم tu regardes celui qui est en dessous de toi on avait dit c'est fait أمور الدنيوية مثلا t'es malade regarde réfléchis médite بعض الناس ils ont une maladie plus grave t'es pauvre alhamdulillah t'arrives encore à manger à boire بعض الناس ils ont plus rien هكذا هذا tu regardes et في الحقيقة قولوا انظروا إلى من هو أسفل منكم ça va te pousser au شكر لأن tu sais qu'il y a des gens ils sont pires que toi فتحمد الله على ta situation على حالك قال فإن العبد إذا نصب بين عيني هذا الملحظ الجليل رآه يفوق جمعا كثيرا من الخلق في العافية وثوابعها صحيح وثوابعها صحيح celui qui pense à هذا في الحقيقة il va se sentir أن الله سبحانه وتعالى إلا كرم إلا فضل على كثير من الخلق قال وفي الرزق وتوابعه نعم إلى ست العافية en exemple à la maladie مثلا انت une maladie بعضهم يصاب بمرض نعوذ بالله من الفتن بعضهم ابتلوا بمرض خلاص لا يقوم ولا يتكلم ربما il a des douleurs واصلة ربما il sort plus de l'hôpital une maladie في الحقيقة faut de la patience انت ربما c'est une maladie سهلة un jour deux jours une semaine تصبر الحقيقة في هذا الحال Anta, si tu penses à ceux qui sont pires que toi, Biyadul Hal, tu vas sentir que tu es dans une ni'ma, même si tu es malade. Mabalouk, celui qui est malade, il n'applique pas ce hadith et il regarde les autres. Il dit, mais il n'y a que moi qui tombe malade, les autres ils sont en bonne santé, pourquoi moi? Alors que Rabbana, c'est quelque chose de yassir, jiddan. Lakin, ce même d'Akila et ce tafakkur, il va le rendre malade, akthar. Deuxième mital, qui c'est Firrisk? Qal wa Firrisk, wa tawabi'ihi, mahma balagad bihi l'hal. Matalan, yat'ab. Il est juste niveau argent. Il a du mal à acheter certaines choses. Il réfléchit à la foulaine, il a rien et il est médioune. Il a des douillons. Il dit, alhamdoulilah, moi j'ai pas beaucoup, lakin alhamdoulilah, j'ai pas de dettes vers foulaine et Allah. Un autre, il a rien et il a des dettes. Un autre, il a rien, il a des dettes et il a des problèmes et il n'arrive plus à s'en sortir. Ahada, ahada, anta, alhamdoulilah, tahmadillah, azza wa jal, que t'es fi aafia. T'es fi aafia et t'es fi khayr, walaou, t'es dans un hal qui est dhayyq. Tu restes fi khayr. Et celui qui pense au faqr, même s'il est niveau argent, il est juste, ou c'est un faqir, il lui reste l'iman. Et comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-ghina, ghina, tant que tu as l'iman, fa alhamdulillah. Ça vaut tout l'argent du monde. Qala fa yazul qalaquhu wa hammuhu wa ghammuhu. Naam, al-qalaq, al-dhayq, al-hamm, al-gham, tous les problèmes, tout ça, bi'idhnillah, tazul en méditant sur ce hadith. قال ويزداد سروره واغتباطه بنعم الله التي فاق فيها غيره ممن هو دونه فيها صحيح حقيقة تتغبل toujours de نعمة الإسلام et نعمة السنة إن شاء الله الله سبحانه وتعالى بل الله سبحانه وتعالى أكرمك وفضلك على كثير من خلقه avec الإسلام والسنة. أما l'argent ça vient ça part, la santé كذلك ça vient ça part. Rien n'est en bonne santé, rien n'est malade, et tu finiras sous terre comme tout le monde. Amma, ce qui reste, l'iman. Qala wa kullama tala ta'ammul al-'abd bi ni'amillah al-zahira wa al-batina. Al-zahira, la bonne santé, al-batina, l'islam. Matalan, ad-diniya, tout ce qui est rapport avec din, ad-dunyawiya, tout ce qui est rapport avec dunya. Tout ça, c'est min ni'amillah azza wa jal. Qala ra'a rabbahu qad a'taahu khayran kathiran wa dafa'a 'anhu shururan muta'addida. Celui qui se rappelle de ce ni'am, fa bi'idhnillah azza wa jal. Il sera à هذا المبدا, il sera à يقين, à الطمانينه, à انشراح صدر. Il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il l'a faddal. Et tout ça va le pousser à être un abd shakur. قال ولا شك ان هذا يدفع الهموم والغموم ويوجب الفرح والسرور. L'application de ce hadith, ça va repousser الهموم والغموم. نعم, les inquiétudes, الضيق, ta poitrine elle est serrée, tout ça باذن الله ça va être repoussé là, tu sais que tu es à la khayr. Et ça va t'emmener à le farah wa surur. Tu vas être heureux, bi'idhnillah azza wa jal. Lakin, tout ça, il faut appliquer. Sur le papier, c'est jamil, tayyib. Lakin, quand tu es éprouvé, hawl, hawl, jtahd. Là, ce n'est pas simple. Tu seras éprouvé. Kadalik, al-julasa, ça joue. Al-julasa, comme akhbar al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-mar'u ala din khalili. Al-julasa, tu es ma'a wahid, il te rappelle ni'amullah azza wa jal. Il te fait des rappels sur din, il te cite des fawaïd, il te montre la ni'ma. C'est pas comme wahed t'es ma'a, il te désespère. Sahih, ba'dahum tajlis ma'a, tu désespères. Les ma'ad al yannaouda, ils parlent des problèmes, ils vont pas nous donner, ils vont pas nous faire, mais tatab. Ya akhi, al-umour al-ibiyadillah azza wa jal. Wallahi anna sa abd makhlouq, walaw il a une place fi dunya sans responsable, c'est un abd faqir. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le guide, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le gère. القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. Aujourd'hui veut pas te donner une chose, demain il te la donnera. باذن الله سبحانه وتعالى. فلا كثرة الكلام c'est pas une solution ابدا. صحيح. احيانا tu parles d'une chose, tu essaies de trouver une solution et avec الامور الشرعيه, avec des وسائل شرعيه, en revenant à اهل العلم et trouver des اسباب معروفه. اما كثرة الكلام ils vont pas faire, ils vont faire, ils vont pas donner, tout ça والله. Si Allah subhanahu wa ta'ala il veut, ils donneront. S'il ne donne pas, l'essentiel, t'es un musulman. Allah il ne donne pas, et c'est le jannah qui vont te donner. C'est mujarrad un papier, mujarrad kada. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui al-khaliq, c'est lui al-razzaq. Cette risala elle est mufida, jiddan jiddan. Demain, incha'Allah, naqra al-fasl alladhi ba'dah. Subhanak lahum hamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.